Si j'ai mis ma plus jolie chasuble, c'est parce que nous sommes le quatrième dimanche de Pâques, le dimanche qu'on appelle l'étaré en latin, qui veut dire le dimanche où l'on se réjouit parce que Pâques approche. Parce que même si le carême est quelque chose de plutôt austère, c'est un dépouillement qui nous prépare à une grande lumière, à une plénitude, et nous avançons avec joie, avec espérance. Aujourd'hui, donc, l'Évangile nous propose cette figure du serpent de bronze à laquelle Christ s'est identifié. Il fait allusion à un passage de l'Ancien Testament dans le livre des Nombres, alors qu'Israël est au désert et qu'il se décourage, il se relâche et il fait la fête, il tombe dans le péché et des serpents à la morsure mortelle les atteignent et les font mourir. Alors le peuple crie vers Moïse qui intercède pour lui et Dieu répond en disant « Fais-toi un serpent de bronze sur un mât et ceux qui regarderont le serpent seront guéris. » Et c'est ce qui se produit. Curieux remède. Et pourquoi Jésus s'identifie à cette figure? Sinon parce que au fond, tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Nous avons tous été mordus par le serpent du péché originel, celui de nos pères, mais aussi nos péchés personnels. Et le venin qui nous atteint n'est pas seulement quelque chose qui touche notre corps, mais notre âme, et qui peut nous faire mourir éternellement. Et le Christ s'identifie à ce serpent d'airain peut-être parce que Dieu prend le mal et le transforme en remède en prenant la figure du serpent. Et c'est ce qu'il a fait mystérieusement avec son Fils. Saint Paul nous dit que le Christ s'est fait péché pour que nous soyons faits justice. Évidemment, il n'a pas péché, mais il a pris sur lui le mal dont il était ignorant pour que nous recevions la sainteté dont nous étions dépouillés. Étrange mystère, étrange échange. Et je voudrais faire le lien entre cette figure du serpent et le thème d'aujourd'hui. Vous savez que ce carême, eh bien pendant ce carême et pendant le temps pascal, nous allons explorer les sept péchés capitaux et les sept dons du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous parlerons de la luxure. C'est un terme qui est moins connu des jeunes, il est plus familier aux anciens, mais qui signifie au fond tous les désordres dans la sexualité humaine. Ce serpent qui est toujours prêt à nous mordre et qui nous inocule ce poison qui nous affaiblit, qui nous rend tristes au fond et qui nous déchoit de notre splendeur première. Pour parler de ces questions délicates, je commencerai par une anecdote. J'ai lu cette semaine, je crois, dans le livre, dans le journal de Québec, un article sur la veuve de Jean Béliveau, je crois qu'elle s'appelle Élise, quelque chose comme ça. Et le titre du péché, parce qu'elle parle de sa vie sentimentale quand elle a rencontré le beau grand joueur de hockey. Et le titre, c'était « L'amour au temps du péché ». Et l'amour au temps du péché, ça veut dire le péché, c'était dans le temps, dans l'esprit de beaucoup de Québécois, où l'Église régnait avec force avant les années 60. Le temps où, paraît-il, tout était péché. Puis elle raconte que, bien, si on s'embrassait sur la bouche avec son chum, il fallait s'en confesser. Et donc, les limites étaient très strictes et on pensait pas aller plus loin. Et nous sommes passés d'un monde au Québec d'hyper-culpabilisation de la sexualité à une hyper-sexualisation de toute la société. Et l'Église, aujourd'hui, nous propose, la vertu est au milieu, un chemin de sagesse. Et notamment, grâce à cet enseignement dont on vous parle beaucoup ces jours-ci, cette année, la théologie du corps de Jean-Paul II. Et c'est un sujet, c'est un enseignement, pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'il a déployé une centaine ou 140 catéchèses. C'est le sujet sur lequel il a plus parlé, la sexualité humaine. Parce que sans doute qu'aujourd'hui, l'Église est confrontée à ce défi, comme elle a été confrontée à d'autres défis, peut-être au Moyen-Âge, la paix, la guerre, au 19e siècle, la question sociale, Aujourd'hui, c'est la sexualité qui est le grand défi de l'Église, sans doute. Elle doit redire les grandes vérités dans un langage qui puisse être compris et accessible pour l'homme et la femme contemporains. Et Jean-Paul II, donc, reprend les premiers textes de la Bible, et puis il dit cette chose étonnante que j'ai peut-être déjà mentionnée en chair, mais qui m'a beaucoup frappé. Il commente ce verset dans la Genèse où il est dit « Homme et femme, il les créa, à son image, il les créa ». Et dans la langue, dans l'hébreu original, originel de ce texte, c'est « Mâle et femelle, il les créa, à son image, il les créa ». Et Jean-Paul II a cette réflexion assez étonnante. Il nous dit que la première marque de notre image et ressemblance de Dieu, ce n'est pas notre âme spirituelle qui est capable de contempler la vérité dans l'éternité, mais ce sont, et c'est lui qui le dit littéralement, nos organes génitaux. Parce que ces organes sont la marque dans notre corps que nous sommes faits pour le don de nous-mêmes, que notre corps est nuptial, qu'il est fait pour épouser et pour être épousé. Et en ce sens, il est image et ressemblance de Dieu, puisque en Dieu, le Père se donne totalement au Fils et réciproquement dans l'unité de l'Esprit-Saint. Donc la sexualité humaine est une révélation de Dieu, est une icône de Dieu. Et j'irai pas plus loin dans cette méditation, mais c'est splendide parce que ça repose les choses sur des bases magnifiques et très sereines. Et en écoutant cette vérité, on se sent comme apaisé, comme recentré sur cette vérité qui nous rend libres et qui est belle à entendre et à contempler. Mais en même temps, Jean-Paul II continue sa réflexion. Dans le chapitre 3 arrive la morsure justement du péché, le venin et toutes ses conséquences, et le désordre, donc la luxure, le désordre que le péché va introduire dans l'homme et la femme à l'intérieur de chacun d'eux et dans leur rapport réciproque et aussi dans les rapports avec Dieu. Donc la sexualité a besoin d'être sauvée, elle aussi. Et c'est tout le défi de la chasteté. La chasteté qui signifie au fond de réintégrer la sexualité humaine dans le composé humain et personnel d'une manière juste et équilibrée. Le catéchisme de l'Église catholique parle de la chasteté comme l'intégrité de la personne pour l'intégralité du don. C'est une magnifique formule que je voudrais commenter. D'abord, intégrité de la personne, c'est-à-dire que quand on se préserve de relations sexuelles avant le mariage, ou quand on est marié puis qu'on vit exclusivement des rapports avec son conjoint, eh bien, on préserve notre intégrité. On évite de dilapider notre capital amoureux, affectif, dans des expériences où on engage notre corps et donc tout notre être, mais peut-être sans lendemain. Peut-être avec l'espoir que cette union intime aboutisse sur quelque chose, mais finalement c'est souvent éphémère. C'est donc dans le cadre du mariage que la sexualité peut s'épanouir, puisqu'il s'agit de l'intégralité de la personne qui, autant que possible, se sera préservée pour la personne avec laquelle elle va s'unir, pour l'intégralité du don, pour un don le plus généreux possible, un don qui est réciproque, qui est définitif et qui est ouvert à la vie. Donc la luxure, c'est tout ce qui va troubler cette intégrité de la personne pour l'intégralité du don. Et on sait bien aujourd'hui que nous sommes dans un monde qui nous assaille de partout et où aussi s'est répandu une espèce de déluge souterrain, celui de la pornographie qui atteint beaucoup de gens, cette morsure qui atteint beaucoup de gens aujourd'hui. Comment s'en sortir? Quelques moyens. D'abord, eh bien, les sacrements de l'Église sont là pour nous guérir, nous sanctifier, nous relever. D'abord, le sacrement de l'Eucharistie qui nous montre le sens du corps. Vendredi soir, nous avions une soirée corps à cœur, la théologie du corps pour les adolescents. Et le jeune conférencier Alex Deschaines nous racontait son mariage qu'il a vécu il y a à peine un an. Puis il disait comment les paroles qui se sont échangées avec son épouse, « Je te reçois et je me donne à toi », ont trouvé un écho sacramentelle quelques instants plus tard quand le prêtre à l'autel a dit « Ceci est mon corps qui est pour vous ». Il y a une très belle analogie entre ce mouvement donc de don réciproque de l'époux et de l'épouse et celui total et définitif, intégral, l'intégrité de la personne du Christ pour l'intégralité du don dans l'Eucharistie. Donc se nourrir de l'Eucharistie, c'est se mettre en phase, en harmonie avec le don du Christ qui nous a tant aimés et qui a livré sa vie pour nous. Et puis un autre sacrement important qui nous soutient, c'est celui de la réconciliation. Parce que le péché nous a affaiblis et a rendu la chasteté difficile. Alors Dieu le sait et il nous donne en abondance sa miséricorde. Et je dirais au déluge de l'hypersexualisation correspond le déluge infiniment plus grand de la miséricorde de Dieu dont la source est dans le cœur transpercé de Jésus sur la croix. Dieu n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous guérir et nous sauver. D'ailleurs, notre conférencier reconnaissait devant les jeunes que lui-même avait eu des expériences sexuelles avant son mariage, mais que la miséricorde de Dieu lui avait rendu comme un cœur intact pour se donner à son épouse au mariage. Donc, ne craignons pas, ayons confiance dans l'amour du Christ. Et puis, d'autres moyens pratiques. D'abord, la chasteté. Eh bien, il faut s'y décider. Ça peut paraître bête, mais vous savez, on est dans un monde où on est beaucoup porté par les émotions. Ça me tente pas, je le sens, je le sens pas. Mais c'est pas comme ça qu'on se construit une colonne vertébrale, qu'on devient des êtres libres. Il faut choisir la chasteté et la choisir chaque jour. Dire oui à Dieu. Pourquoi? Bien d'abord parce que ça affermit ces vertus que l'on acquiert par la répétition, mais aussi parce que ça permet à la grâce de Dieu de se déployer dans notre vie. Imaginez-vous que vous alliez faire de la voile au large et que vous regardez, vous voyez le vent souffler, etc., il ne s'avance pas parce que vous n'avez pas ouvert la voile. C'est un peu comme si, comme saint Augustin, sa fameuse prière, où il disait « Seigneur, donne-moi la chasteté, mais pas tout de suite ». Donc, on n'avance pas vite avec ça. Mais si je me décide pour la chasteté, j'ouvre la voile à la puissance de Dieu qui peut se déployer dans ma faiblesse. Et donc, je ne suis pas seul à lutter pour me maîtriser. Ensuite, il faut aussi apprendre à corriger son regard. Parce que la luxure passe beaucoup par les images et on est dans un monde, vous le savez, saturé d'images. Et donc, il faut apprendre à mortifier son regard. Jésus le dit très clairement dans l'Évangile, si quelqu'un regarde une femme pour la désirer, il a commis l'adultère avec elle dans son cœur. Il dit pas si un homme voit une femme qui lui plaît, qui lui fait quelque chose, il a commis l'adultère. Il n'a pas dit si quelqu'un voit une femme qui lui plaît. Regarder, c'est un deuxième moment. On ne peut pas s'empêcher de voir des personnes qui nous plaisent et qui nous remue quelque part. Mais la regarder, c'est un deuxième moment, vous comprenez? L'impression, elle vient, on la subit, mais la décision, on la décide. Est-ce que je vais, ce regard, m'y complaire et commencer dans mon imaginaire à faire un chemin avec cette image? Alors, c'est cette détermination, cette volonté de mortifier notre regard qui va nous aider à nous arracher à tout ce qui nous est proposé aujourd'hui. Puis il y a aussi la chasteté dans le langage. Quand on parle entre amis, peut-être entre garçons ou entre filles, je ne sais pas, c'est très facile de tomber dans un sens de l'humour ou des remarques sur le corps de l'un ou de l'autre. Et après, on est triste parce que on ne s'édifie pas les uns les autres dans notre manière de parler. Peut-être aussi que pour les jeunes qui se fréquentent, la chasteté, c'est pas facile. J'en parlais avec Alex Deschaines, de dire, mais où mettre la limite dans des rapports de tendresse, des échanges amoureux avant le mariage? Eh bien, Alex avait cette réponse éclairante, il disait, mais si on veut vivre vraiment l'abstinence avant le mariage, eh bien, il faut éviter tout ce qui conduit à la relation sexuelle. Donc, il n'y a pas de modèle de dire ceci est permis, ceci est interdit, C'est à chacun de sentir où ça nous conduit, tel genre de geste. Et si ça conduit trop loin, ben il faut s'en abstenir. Vous savez, la chasteté, c'est beaucoup une affaire d'espace-temps aussi. Où est-ce que je suis? À quelle heure? Combien de temps? Vous voyez, il y a des décors dans lesquels on se met, ben, qui vont conduire facilement à la luxure. Tandis que si on a un mode de vie, la chasteté est un art de vivre, en fait, où on évite certains films, certaines revues, certains sites Internet, certains lieux, certaines durées, certaines consommations d'alcool, et en fait, on s'en trouve plus libre, plus joyeux, plus disponible pour aimer. Donc, frères et sœurs, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme dans une différence sexuelle qui est signe que nous sommes faits pour nous donner entièrement, que ce soit dans le mariage, une vie consacrée ou un célibat en attente d'un amour complet. Et Dieu nous donne des moyens pour vivre cette vérité qui rend libre dans les sacrements, mais aussi dans les décisions que nous prenons qui permettent à la grâce, à sa puissance de se déployer dans notre faiblesse. Amen.